بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur notre cours, sans plus attendre, et par la grâce d'Allah, en ce deuxième jour du Ramadan. Donc avec la grâce d'Allah, en l'implorant, Allah Jalla wa Ala, de nous accorder le succès et la réussite, et l'insincérité à travers nos paroles et nos actions. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'explication de ce chapitre. Donc dans la dernière allocution, on avait commencé un nouveau chapitre concernant la création d'Allah. Et en l'occurrence, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc nous avait cité le verset 73 de la Sourate al-An'am des bestiaux en guise d'intitulé de ce chapitre. Donc dans ce chapitre, on va essayer de comprendre ce verset, ce passage du Coran, lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit « Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda bil-haq » Et donc c'est lui qui a créé les cieux et la terre, bil-haq. Et cela on l'a expliqué dans la dernière allocution, lorsqu'on avait traduit le verset. On a dit le fait qu'Allah Jalla wa'ala ait créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala leur a donné existence alors qu'ils étaient néants, alors qu'ils n'existaient pas. Donc Allah Jalla wa'ala, dans le Coran, nous informe de la création des cieux et de la terre, et on a pu voir hein, dans la dernière allocution, comme nous l'explique le commentateur de l'auteur du commentaire, Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc il nous a fait part que lorsqu'on observe dans le Coran, on peut voir ce style, hein, l'éloquence parfaite qu'il y a dans le Coran, du fait qu'il nous a enseigné dans un premier temps, il nous a informé au sujet de la création dans un premier temps, d'une manière générale et globale, et dans un second temps, il y a des versets, comme on l'a mentionné par exemple avec l'étude du verset 9 jusqu'au verset 12, hein, dans Surat Fussilat, les versets détaillés, où Allah Jalla wa Ala nous détaille la création. Et on avait pris donc qu'Allah Jalla wa Ala nous informe dans son livre et dans cette surat par exemple, et dans ces versets qu'on a étudiés dans la dernière assise, qu'Allah Jalla wa Ala a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et donc là, on voit que cela concerne l'enseignement ici de la création, mais en détail. Et pour cela, on avait expliqué que parmi les bienfaits de ce style, lorsqu'il est bien établi et ancré chez une personne, le fait qu'Allah Jalla wa'ala ait créé les cieux et la terre, ensuite cela va le mener à vouloir connaître les détails de cela. Et pour cela, Allah Jalla wa'ala nous informe de ces détails, et de ce fait, la personne, il est réceptif, il a envie de connaître, il désire hein, connaître ces détails. Et c'est ça qui fait toute l'importance du sujet, et ça, on l'avait bien expliqué hier à travers l'explication de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Donc on va continuer, Inch'Allah, et sachez que c'est un sujet qui est d'une immense importance, du fait que lorsqu'on se rend compte de l'immensité de cette création, lorsqu'on se rend compte de cette création qui est parfaite, de la création des cieux et de la terre, alors le croyant veut connaître le créateur des cieux et de la terre. Le croyant veut connaître ce créateur, il veut connaître son créateur. Lorsqu'il est vraiment conscient qu'Allah Jalla wa Ala est le créateur de ce monde qui est parfait, Allah Jalla wa Ala a créé ce monde avec perfection. Et ce monde est régi et géré avec harmonie. Et de ce fait, lorsqu'on On observe, on médite sur la création aussi bien des cieux et de la terre et de tout ce qu'Allah Jalla a créé parmi ses créatures. Alors lorsqu'on observe cela, on se rend compte de la grandeur et de l'immensité de ce créateur. Et donc ça va nous mener à vouloir le connaître, ce créateur. Et c'est pour cela que ensuite, celui qui va chercher à connaître ce créateur, il n'y a pas une meilleure manière de connaître ce créateur, si ce n'est en apprenant ses noms, en prenant connaissance de ses attributs les plus parfaits, et d'essayer donc de connaître ce créateur. Et lorsque le croyant chemine de cette manière-là, lorsqu'il va apprendre à connaître son Seigneur, lorsqu'il va reconnaître ce créateur, alors il va être envahi par cette khashia. S'il vraiment il connaît Allah, sa juste valeur, comme on l'avait dit dans la dernière allocution, celui qui reconnaît Allah Jalla wa Ala et qui le connaît à sa juste valeur, alors il va se rendre compte de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il va être envahi de cette crainte qu'on pourrait appeler, ce qu'on nomme al-khashiyah en arabe, ce qui est appelé al-khashiyah, cette crainte qu'on pourrait appeler une sorte de crainte révérentielle. Alors, cette crainte-là, qui est révérentielle, si vous voulez, alors elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, cette crainte, on doit la vouer pour lui subhanahu wa ta'ala. Et plus elle grandit, justement, dans le cœur du croyant, plus les autres craintes envers autre que lui, alors elles vont s'effacer progressivement. Et ça fait partie des bienfaits du savoir et de la crainte d'Allah. Plus on craint Allah Jalla wa Ala, plus la personne va se libérer. Il va se libérer d'autres craintes vouées à autre que lui. Donc ces autres craintes vont s'effacer progressivement. Pourquoi? Parce que ces deux-là ne peuvent pas cohabiter dans un seul cœur. Alors celui qui craint Allah véritablement, celui qui a cette sorte de crainte révérentielle, il le craint réellement et véritablement comme il se doit, alors cette crainte ne va pas laisser de place pour une autre crainte, une crainte vouée à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et comme cela doit être le croyant. Et le croyant peut atteindre ces degrés-là, cela en méditant, en réfléchissant sur la science, en apprenant cette science-là, et cette science-là, le savoir bénéfique, doit le mener plutôt, cette science va le mener vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça les bénéfices, on a dit, et les profits de cette science. Pour cette raison, hier, on avait commencé à parler de ce sujet, on avait ouvert une parenthèse, et parlé du sujet de cette crainte, cette sorte de crainte révérentielle, ici qu'on doit vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette crainte qu'ont les savants, qu'ont ceux qui connaissent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un sujet tellement important qu'on va continuer ici. Aujourd'hui, on va essayer de continuer sur ce sujet. Vous allez voir l'importance de cela. Et c'est pour ça qu'on avait évoqué que beaucoup de savants ont fait des recherches sur ce sujet. Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver, comme on a mentionné hier, j'ai mentionné certains livres, des livres qui sont consacrés à l'explication de l'étude de la science, au comportement de la science, comme on l'avait mentionné hier, comment apprendre cette science, comment la mettre en pratique, comment la mettre en application, le comportement à adopter pour l'apprendre, vers où mène cette science. Donc on avait dit, c'est tant de sujets et de thèmes qui sont liés à l'apprentissage du savoir et à la science bénéfique que les savants ont rédigé des livres, ont fait des recherches sur ces sujets-là. Donc on a dit il y a beaucoup de livres qui ont été rédigés, que ce soit dans les siècles précédents comme d'une manière contemporaine. Et c'est pour ça que j'avais fait allusion à certains livres, du fait que ça soit vraiment quelque chose dont le croyant doit tirer profit, de revenir vers ces livres. Vous allez voir que ces sujets-là sont mentionnés. Et c'est pour ça qu'on va continuer. Et vous allez voir le sujet, l'importance qu'il a. Donc lorsqu'on se rend compte de la grandeur de, lorsqu'on se rend compte de l'immensité de cette création, on va se rendre compte de l'immensité du créateur de cette création. C'est pour ça que le sujet est propice, il convient, et c'est très pertinent et judicieux que l'auteur, l'imam al-Bukhari, parle hein, et fait allusion à ces versets où Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il a créé les cieux et la terre bil-haq. C'est vraiment très judicieux. Après qu'il nous ait cité dans le chapitre précédent les versets où il y a la mention du nom sublime d'Allah, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est le Sage. On avait dit pour bien comprendre ce sujet que véritablement ceux qui craignent Allah, ce sont les savants parmi ses serviteurs. Et justement, c'est stipulé dans un verset. Et vraiment, il faut s'arrêter sur ce verset, il faut réfléchir sur ce verset. Et les savants se sont arrêtés, ont réfléchi sur ce verset. C'est pour cela qu'il y a des explications, des commentaires qui ont été émis, qui ont été donnés, qui sont vraiment, vraiment précieux. Et ce verset, vous allez le retrouver, c'est le verset 28 dans Sourate Al-Fatir. Et dans Sourate Al-Fatir, et dans ce verset, Allah Jalla wa Ala nous dit Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Une traduction qu'on pourrait donner, une traduction rapprochée du sens, c'est vraiment ceux qui craignent Allah, parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Et ça, c'est un verset qui est vraiment immense. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ceux qui véritablement craignent Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Donc, comme on a dit, hein, le verset 28 de Sourate Fatir. Et là, vous allez retrouver que les savants, lorsqu'ils l'ont expliqué ce verset, lorsqu'ils ont commenté ce verset, vous allez retrouver des enseignements vraiment très riches et précieux. Regardez, certains ont dit dans le commentaire de ce verset, premièrement, si on observe dans la langue arabe, la manière, le style, comment cela est exprimé. On va retrouver, lorsqu'on fait une analyse grammaticale, par exemple, du verset, on va voir que Allah, lorsqu'il dit Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama ou Inna Allaha azizun ghafur. Fal-fa'il huna al-ulama. Ce qui, al-fa'il dans la langue arabe, c'est celui qui fait l'action, c'est l'acteur. Qui est l'acteur? C'est al-ulama. C'est le terme al-ulama. Fahum ahl al-khashya wal-khawf min Allah. Pour ça que les savants ils disent vraiment, les gens qui sont détenteurs de cette crainte-là et de cette peur, de cette sorte de crainte révérentielle, ceux qui l'ont véritablement et réellement, ce sont les savants. Ceux qui, tout simplement, lorsqu'on dit savants, ils connaissent leur Seigneur. Ceux qui connaissent leur Créateur. Et ils disent que Ismul Jalala, Allah, maf'ul muqaddam. وفائدة تقديم المفعول هنا حصر الفاعلية أي أن الله تعالى لا يخشاه إلا العلماء ولو قدم الفاعل لاختلف المعنى لصار لا يخشى العلماء إلا الله وهذا غير صحيح فقد وجد من العلماء من يخشون غير الله. Et les savants ensuite ils nous disent, regardez, à la base dans la langue arabe, en général, lorsqu'il y a une construction de phrase, lorsqu'on fait une analyse de ces phrases, en général, l'acteur, ce qu'on appelle le fa'il, celui qui fait l'action, doit précéder. Or, ici, il est mentionné à la fin, c'est-à-dire el-ulama. Les savants sont mentionnés à la fin. Pourquoi? Parce que le sens, ça serait vraiment, le sens va dénoter, sous-entendre une sorte de restriction. Vraiment, ceux qui craignent véritablement là, ce sont les savants. Et c'est comme si qu'il est dit, il n'y a que les savants qui craignent véritablement là. C'est pour ça, lorsqu'on observe le style dans lequel est dit ce verset, le style de ce verset, vraiment ça sous-entend cette restriction qui est mentionnée. وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ عَنِ الْآيَةِ. Pour cela, le grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, il disait au sujet de ce verset, il disait هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ فَهُوَ عَالِمٌ. Regardez ce qu'il dit, c'est une parole vraiment qui est précieuse. Il dit, cela indique et montre que tous ceux qui craignent Allah sont savants. Kalamun ajib, c'est une parole vraiment étonnante. Regardez. Hada yadullu ala anna kulla man khashiya Allah fahuwa alim wa huwa haqqun wa la yadullu ala anna kulla alimin yakhshah. Regardez, il nous dit, ce verset prouve que toute personne, tous ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, sont savants. Wa huwa haqq. Et il dit, c'est la vérité. Et il dit, cela ne veut pas dire que tout savant le craint. À l'inverse. Comme vous pourrez retrouver dans Majmu' al-Fatawa. Et c'est pour cela que les savants ont dit que ce verset indique le mérite Et la grâce, ce noble verset, indique le mérite des savants. Et que réellement, les savants sont ceux véritablement qui craignent Allah, leur Seigneur. Et ils ont dit ensuite, et que celui qui ne craint pas Allah, qui n'a pas cette crainte de son Seigneur, il n'est pas savant. Il n'est pas savant. Pour cela, le grand érudit, le savant Ibn Kathir, il disait, il disait que certes, véritablement, ceux qui craignent leur Seigneur, ce sont les savants qui ont une connaissance, qui sont connaisseurs hein, au sujet de leur Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit que, il va expliquer, il dit, plus la connaissance de l'immense, il veut dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus la connaissance d'Allah est grande, et plus cette connaissance est parfaite, كانت الخشية له أعظم وأكثر. Cette crainte s'intensifie, devient grande et se multiplie. Vous avez vu là, vraiment là, les paroles, comment elles sont vraiment significatives. Et ce verset tellement qu'il renferme un enseignement riche et précieux que les savants se sont vraiment hâtés à le méditer. Et c'est pour ça que les savants ont émis des réflexions concernant ce verset. Donc ce verset, vous comprenez bien qu'il est immense. Et regardez, parmi les savants donc, qui ont expliqué aussi, qui ont émis une réflexion par rapport à ce verset, regardez ce qu'il a été dit. « قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » Un homme qui s'appelait Ali ibn Abi Talha, qui a vécu à l'époque du compagnon Abdallah ibn Abbas. Il rapporte d'après justement ce compagnon, Abdallah ibn Abbas, qui était la plus grande référence hein, en manière d'exégèse de la nation, puisque le prophète Sam avait invoqué pour lui, qui avait invoqué en sa faveur pour qu'Allah Jalla wa'ala lui donne la connaissance de l'interprétation du Coran. Et donc, Ali ibn Abi Talha nous rapporte d'après Abdallah ibn Abbas concernant ce verset. Donc là, il est vraiment important pour nous qu'on prenne connaissance de cela. Qu'est-ce que Abdallah ibn Abbas disait à propos de ce verset? Donc il nous rapporte que Abdallah ibn Abbas disait à propos de la parole d'Allah inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama qala alladhina ya'lamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir alladhina ya'lamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir. Regardez cette parole vraiment immense de Abdallah ibn Abbas, vraiment précieuse. Il disait, lorsqu'il mentionnait ce verset, il disait, ce sont ceux qui connaissent, c'est-à-dire les ulamas qui sont mentionnés hein, dans ce verset, lorsqu'Allah dit ceux vraiment qui craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Qui sont-ils? Abdallah ibn Abbas disait ceux qui connaissent, qui savent qu'Allah est capable de toutes choses, qu'Allah a le pouvoir sur toutes choses. Regardez cet enseignement, regardez Abdallah ibn Abbas qu'il nous dit ceux vraiment qui savent, ceux vraiment qui ont cette connaissance-là, qu'Allah Jalla wa'ala a le pouvoir absolu sur toute chose, qu'Allah il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut le réduire à l'impuissance. Rien ne peut le réduire à l'incapacité. Allah Jalla wa'ala a le pouvoir sur tout. Allah est le tout-puissant. Et pour cela, regardez, Ibn Abbas il disait, ceux-là, les savants qui craignent véritablement Allah, qui sont-ils? C'est ceux, tout simplement, qui savent qu'Allah Jalla wa'ala a le pouvoir absolu sur tout. Allah ala kulli shay'in qadir, qu'il est capable de tout, c'est-à-dire qu'il a la capacité sur tout, subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, il nous a rapporté aussi, waqala Sa'id ibn Jubayr, l'une des grandes références à l'époque des tabi'in, il dit, al-khashiyah, هي التي تحول بينك وبين معصية الله جل وعلا. Saïd disait, regardez cette belle parole, il disait que la crainte d'Allah, cette sorte de crainte révérentielle, c'est celle-ci qui se met entre toi et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si qu'elle est un obstacle. entre toi et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est une cause pour s'écarter et éviter la désobéissance de ce créateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le connaît, ce créateur, et lorsqu'on le craint, eh ben cette crainte va nous empêcher justement de commettre les interdits et de désobéir à ce créateur qu'on vénère. Wanihada, pour cela, il est rapporté de Abdallah ibn Mas'ud, célèbre compagnon, qui disait aussi, An ibn Mas'ud, une très belle parole, il disait, Laysa al-ilm an kathrati al-hadith, walakin al-ilm an kathrati al-khashiyah. Il disait que la science, ce n'est pas. Quelque chose d'implicite. Donc c'est pas quelque chose d'implicite. Forcément, la personne a une grande connaissance, a la connaissance d'une multitude de récits et de narrations que forcément il a atteint, que forcément hein, il aura atteint cette khashiyah, qu'il va être envahi par cette khashiyah et que dans son cœur il aura cette khashiyah. Donc elle khashiyah, la crainte d'Allah, c'est quelque chose qu'Allah met dans le cœur du serviteur. Et pour cela, il faut connaître Allah Jalla wa Ala. Il faut l'estimer à sa juste valeur. Il faut l'adorer comme il se doit et l'implorer. Et l'implorer et l'invoquer. Et Allah Jalla wa Ala met cette crainte dans le cœur des serviteurs et de qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là sont les savants véritablement. Les véritables savants, c'est-à-dire on a dit que ces savants-là, c'est ceux en réalité qui connaissent Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de le connaître, de fait de juger Allah, jalla wa ala, à sa juste valeur. Et lorsqu'on le connaît, de ce fait, cette connaissance qui est profitable et bénéfique va nous mener à la crainte d'Allah, jalla wa ala. Pour cela, l'un des grands imams de cette nation qui a marqué son temps, le grand imam Sofiane al-Thawri, rahimahullahu ta'ala, il rapporte d'après Abi Hayyan al-Taymi, an Rajulin. Donc Sofiane al-Thawri rapporte d'après Abi Hayyan al-Taymi, d'après un autre homme. Regardez ce qu'il disait. Kana yuqal, cet homme disait, Al-ulama thalathatun. Il disait, les savants sont au nombre de trois. Il va mentionner trois catégories. Les savants sont au nombre de trois. C'est-à-dire, lorsqu'on dit au nombre de trois, trois catégories. Alimun billahi, alimun bi amrillah, wa alimun billah, laysa bi alimin bi amrillah, wa alimun bi amrillah, laysa bi alimin billah, fal alimu billahi, wa bi amrillahi, alladhi yakhsha Allah ta'ala, wa ya'lamu al-hudud wal-fara'id, wal alimu billah, ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض العالم بأمر الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل. Regardez, c'est vraiment une parole qui est vraiment très précieuse. Il y a un grand enseignement. Donc, il nous a rapporté que les savants sont au nombre de trois, sont divisés en trois catégories. Le premier, celui qui connaît Allah et qui connaît l'ordre, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je traduis d'une manière ici rapprochée. Donc celui qui connaît Allah et qui connaît l'ordre d'Allah, c'est-à-dire les ordres et les commandements d'Allah. Le deuxième, C'est celui qui connaît Allah, mais qui ne connaît pas l'ordre d'Allah, c'est-à-dire les commandements d'Allah, Jalla wa Ala. Et le troisième, il dit, c'est celui qui connaît l'ordre d'Allah, les commandements d'Allah, ou laysa bi'alimin billah, mais il ne connaît pas Allah. Vous avez vu ces trois catégories? Donc il dit, il y a trois savants. Celui qui connaît Allah et qui connaît les ordres d'Allah, celui qui connaît Allah mais qui ne connaît pas les ordres d'Allah, et celui qui connaît les ordres d'Allah mais ne connaît pas Allah. Alors, ensuite, il nous dit, celui qui connaît Allah et qui connaît l'ordre d'Allah, celui-ci craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a connaissance d'Allah et qui connaît les limites, les ordres, les commandements d'Allah, alors il dit, celui-ci craint véritablement Allah. C'est-à-dire, il dit, ya'lamul hudud wal fara'id. Donc il connaît les limites, les sentences aussi, et le fara'id, par exemple, les questions liées aux obligations, aux prescriptions. Wal'alimu billah, le deuxième maintenant, c'est celui qui connaît Allah. Mais lui, il ne connaît pas les ordres d'Allah. Il ne connaît pas les limites, les prescriptions religieuses, par exemple. Il n'est pas savant dans cela. Il est savant concernant la connaissance d'Allah, mais pas forcément au niveau des ordres, des commandements, des limites ou autres. Alors il dit, celui-ci craint Allah. Même s'il ne connaît pas al-hudud ou al-fara'id. Même s'il ne connaît pas, par exemple, les limites, les sentences, ou le fara'id, les prescriptions, même les, par exemple les questions d'héritage ou autres, même s'ils ne connaissent pas ces questions-là, du fait qu'il connaît Allah, il dit il le craint. Le troisième, il dit, c'est celui qui connaît les ordres d'Allah, mais il ne connaît pas Allah. Alors il dit, lui, il connaît al-hudud, les limites, les commandements, les sentences, ou le fara'id, les prescriptions, les obligations, et même les questions, on pourrait même dire aussi, toutes les questions liées à la religion, comme l'héritage ou autre, wala yakhsha Allah ta'ala, mais il ne craint pas Allah. Alors il dit, hada, même s'il connaît ces questions-là, même s'il connaît les commandements et les ordres d'Allah, le fait qu'il ne connaît pas Allah, il dit, laysa bi'alim, ce n'est pas un savant. Pour cela, il dit, fahuwa alim bi'amrillah, il est savant, connaissant les ordres d'Allah, ou laysa bi'alimin billah, mais il ne connaît pas Allah. Alors il dit, la yakhsha Allah. Il dit, celui-ci ne craint pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, on apprend un enseignement qui est vraiment riche. On pourrait l'expliquer d'une manière très simple, cette parole est vraiment immense. C'est que, comme on voit par exemple, beaucoup par exemple qui ont une connaissance par exemple de la jurisprudence, ils connaissent la jurisprudence de la prière, les conditions de la prière, les obligations de la prière, les piliers de la prière. Par exemple, ils ont une connaissance aux questions liées à la zakat, une connaissance aux questions en relation avec le pèlerinage, le jeûne. Des gens qui sont savants de la jurisprudence, de la religion, mais ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas les noms et les attributs d'Allah. Ils ne connaissent pas l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ne se sont pas penchés sur ces questions. Alors, cette personne qui connaît la jurisprudence, qui a connaissance de ces questions-là, ce n'est pas une personne forcément qui craint véritablement Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que sa connaissance de ces questions-là, de la jurisprudence islamique par exemple, ça ne veut pas dire que réellement et véritablement, il craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc cela est lié, la crainte d'Allah, vous avez vu, il la conditionne, il la lie, hein, elle est jointe avec la connaissance du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, ça nous fait vraiment prendre compte vraiment de l'importance de cette science et de ce savoir, et de cette manière dont nous enseigne le tawhid l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Regardez, lorsque vraiment ces chapitres-là qu'il mentionne, il parle d'abord dans ces chapitres, dans les premiers chapitres, il mentionne des versets du Coran où il y a l'évocation de nom d'Allah, Jalla wa Ala. Donc vraiment, à travers l'étude de ces chapitres, on apprend à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec la connaissance d'Allah qu'on atteint la crainte. C'est avec la connaissance d'Allah qu'on sera envahi par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rappelle qu'on se fait. Pourquoi? Surtout en période de beaucoup qui apprennent la science, mais si cette science les a pas menés vers cette crainte véritable d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'on a dit cette science en réalité n'est pas profitable et bénéfique. Cette science doit nous mener. Si on apprend, cette science doit nous mener à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ceux qui écoutent cela en tant que rappel, alhamdoulillah, c'est un rappel, walillahil hamd, il faut se faire le rappel. On est là pour s'entraider, hein, mutuellement et réciproquement dans le rappel. Et ceux qui aussi veulent apprendre et bien réviser ces sujets-là. Donc notez bien les citations qu'on fait, les passages que je vous ramène, Inch'Allah. Notez-les bien, par exemple, les paroles de ces savants, les versets qu'on mentionne avec le tafsir. On en a mentionné le verset Namayr Inch'Allah min ibadihi al-ulama avec le tafsir d'Ibn Kathir. On a ramené la parole, on a fait une citation de la parole d'Ibn Abbas. Et ces citations-là, vous les retrouvez dans différents livres, comme je vous ai dit, des livres consacré à l'apprentissage de la science et comment apprendre le comportement, l'éthique, comme on l'a mentionné dans la dernière allocution. Vous retrouvez ces passages-là. Donc pour ceux, d'une manière plus particulière, qui veulent apprendre ces passages-là, notez-les, apprenez-les. Et c'est comme ça qu'on préserve parmi les secrets du talab al-ilm, parmi les bonnes manières pour apprendre la science, c'est d'écrire. D'écrire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit, alors cette science, elle est préservée. Regardez, il y a de grands savants qui ont déjà dit, hein, écoutez, déjà des savants, lorsqu'ils ont parlé au sujet de leur manière, la manière dont ils ont appris la science, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils disaient, ils étaient auprès de leur mashayikh, de leur maître, et ils écrivaient. Plus tard, même des années, des décennies plus tard, vous allez retrouver ces écrits. Lorsque, par exemple, vous avez étudié un livre avec un savant, par exemple, ou un shayikh, ou autre. Ensuite, ces points bénéfiques que vous allez écrire en marge du livre, par exemple, ce livre-là, ensuite, il est dans votre bibliothèque, il est chez vous. 10 ans, 20 ans après, si Allah vous accorde de vie, hein, vous allez retrouver ces fawaïd que vous allez oublier. Mais le fait d'écrire, ça préserve la science, ça préserve le savoir que vous avez appris. C'est pour ça que ceux qui peuvent écrire et noter ces citations, c'est important, notez-les et apprenez-les. Et ceux qui, par exemple, eux écoutent, en tant que rappel, c'est bénéfique aussi. Le fait d'écouter, en tant que rappel, on se remémore, on est là pour s'entraider. Les musulmans, les uns les autres, sont dans l'entraide. On doit s'entraider pour accéder à ce paradis, à l'agrément d'Allah Jalla Wa'ala. Allah a fait de nous une communauté. Et c'est pour ça qu'Allah nous ordonne, c'est un impératif, hein, Allah nous ordonne de nous entraider mutuellement et réciproquement dans le bien et la bienfaisance. C'est pour ça que nous, on fait que s'entraider, on s'entraide dans le bien. Et en l'occurrence, observez bien. Je reviens sur la parole qu'on a mentionnée, la citation qu'on a fait précédemment de Abi Hayyan At-Taymi. Cette citation d'après un homme, lorsqu'il a dit que les savants sont de trois sortes. Les savants sont de trois sortes, et il a cité les trois sortes. Cette parole-là, on a dit qu'elle est rapportée par Sofiane Thauri, ce grand savant. Et bien, en l'occurrence, regardez, il nous est rapporté dans la biographie du grand imam Sofiane Thauri. Sachez que lui, il a vraiment marqué, c'est un personnage qui a vraiment marqué son temps et son époque. C'est un personnage, jusqu'à aujourd'hui, il fait partie des grands imams. C'est pour ça qu'à son époque, il était nommé le prince des croyants dans le hadith. C'était vraiment l'une des grandes références et l'une des grandes références dans la nation musulmane concernant la connaissance des hadiths du prophète et concernant la piété. Ben regardez sa mère. Sa mère, il est rapporté que sa mère, c'était une femme qui était pleine de mérite. Et ça, c'est un grand exemple pour nos sœurs, qu'elles prennent l'exemple de ces femmes. Regardez cette mère, la mère de Sofiane Thauri, elle était connue pour être une femme qui était pleine de mérite. Et alors qu'il était jeune, regardez cette recommandation de cette mère envers cet homme qui va devenir l'un des plus grands imams de la nation musulmane et de la nation islamique. Cette mère, alors qu'il était enfant, elle lui disait: Ô mon enfant, occupe-toi seulement d'acquérir la science. En filant la laine et en vendant des fils, je comblerai tes besoins. C'est-à-dire, elle dit à son fils, regardez cette mère pieuse et dévouée, hein. Elle disait à son fils: Toi, occupe-toi d'acquérir cette science, ce savoir. Et puis moi, elle disait, moi, je vais m'occuper à filer la laine et je vais vendre du fil pour combler tes besoins. Mais ce qu'elle lui demandait, c'est que lui se concentre à apprendre la science. C'est pour ça qu'il est même rapporté qu'elle le surveillait. Elle surveillait son parcours. Et même, elle avait l'habitude de lui prodiguer souvent des conseils. Et parmi ces conseils, observez bien, méditez bien ce qu'elle lui disait. Elle lui disait, « Ô mon fils, surtout, ne te détourne pas du chemin de la science, du savoir. Ô mon fils, lorsque tu écris 10 mots, regarde si tu vois en toi une augmentation de la crainte d'Allah, de clémence, de quiétude. » Regardez ce qu'on est en train d'apprendre. Regardez, déjà dans les premières générations, c'est ce qu'ils enseignaient. C'est ce qu'ils avaient compris de l'importance et du but du savoir. C'est quoi le but? C'est d'atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. C'est pour ça qu'on se fait ce rappel. Sinon, à quoi bon sert d'apprendre et d'étudier et d'écouter des rappels? Si on n'est pas envahi de crainte d'Allah et si cette science-là ne nous mène pas à cette dévotion, ne nous mène pas à cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'elle lui dit. Et déjà dans les premières générations, nos pieux prédécesseurs l'avaient compris ça. C'est pour ça que parmi les premiers enseignements qu'elle lui prodiguait, elle lui disait « Ô mon fils, regarde si tu vois en toi une augmentation de la crainte d'Allah, de clémence et de quiétude. Si tu ne vois rien, regardez ce qu'elle lui dit. Si tu ne vois rien de tout cela, sache que c'est une chose nuisible pour toi qui t'apportera aucun profit. » Et c'est vraiment cette parole-là qui est rapportée de la mère de Sofiane Athouri est vraiment, vraiment très pertinente. Du fait que là, vraiment, on se rend compte que eux déjà, à l'époque, comme on l'a dit précédemment, ils s'étaient rendus compte, ils avaient compris cela, que si cette science ne nous mène pas à la crainte d'Allah, alors elle ne sera d'aucun profit. Et en réalité, elle sera que nuisible pour la personne. Et lui, de ce fait qu'il a été éduqué avec cette mère dévouée, avec cette mère qui était décrite hein, comme une femme pleine de mérite, comme on l'a dit, et bien tellement il était éduqué dans cela, il était dans une époque, sachez qu'il est né, c'est un savant qui est né à la fin du 1er siècle. Donc il est né en 97 de l'Égypte. Donc il est très proche, hein. Il est à la 97 de l'Égypte. Donc lui, il a vécu à l'époque en Irak. Il est de cette province hein, d'Irak qui était le Koufa. Il a vécu sous le califat et le règne de Suleyman ibn Abd al-Malik ibn Marwan. C'est-à-dire c'était pendant la dynastie des Omeyyades. Et à son époque, vraiment, c'était une époque où la science était propagée. C'était une époque... comme on pourrait dire, des centres névralgiques hein, de la science et de la sunna. Et pour ça, lui, hein, il devint l'une des grandes figures, justement, de ces partisans de la sunna et de ces grands savants qui ont marqué leur temps. Regardez, il disait déjà dans son plus jeune âge, il était d'une grande intelligence. Et Allah, Jalla wa Ala, justement, l'avait doté aussi d'une mémoire qui était vraiment exceptionnelle. Et tellement il avait une très belle mémoire, cette mémoire le forçait à se boucher, il est rapporté, à se boucher les oreilles lorsqu'il marchait dans les rues afin de ne pas entendre et retenir les chants des artisans. Regardez, tellement il est rapporté dans sa biographie, tellement il avait une mémoire qui était très forte. Alors lorsqu'il marchait dans les rues, hein, alors afin de ne pas mémoriser et que sa mémoire ne soit pas entachée et polluée, alors il se bouchait les oreilles. Il se bouchait les oreilles pour ne pas entendre, il est rapporté, retenir les chants des artisans. Vous avez vu comment... Et ça nous est rapporté de différents imams que soit ils éduquaient leurs enfants à boucher leurs oreilles, soit des grands imams, ils bouchaient eux-mêmes leurs oreilles lorsqu'ils entendaient des choses qui n'étaient pas propices, qui ne convenaient pas à entendre. Et ça, différemment de beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs qui voyagent beaucoup sur YouTube, qui vont beaucoup sur YouTube et ils écoutent beaucoup des gens qui en réalité n'apportent rien. Il y en a qui parlent de religion sur YouTube, mais c'est juste un métier. Ils ont fait de cela un métier. Eux, leur but, à travers ces vidéos qu'ils font, ils parlent de religion, c'est pour avoir le plus d'abonnés, c'est pour avoir vraiment des abonnés, des suiveurs, des gens qui les suivent, etc. Donc, eux, c'est un travail qu'ils font. C'est un travail. mais ils n'enseignent pas véritablement l'islam dans son authenticité. Ils n'enseignent pas la compréhension des noms et des attributs d'Allah. Ils n'enseignent pas la sunna du prophète, sallam. Ils n'enseignent pas les récits des pieux prédécesseurs. Ils n'enseignent pas les récits des prophètes et des messagers, des envoyés d'Allah. Vous voyez très bien que ce sont des gens qui ont fait de cela une profession. Et pour cela, on appelle même cette profession, elle est appelée YouTuber. Donc c'est une profession. Eh bien, on a beaucoup de frères et des sœurs qui vont écouter. Ensuite, ils se plaignent. Mais pourquoi les frères de la Sunna ne répondent pas à ces choses fausses qui se disent au sujet de l'islam? Pourquoi ils ne réfutent pas? Pourquoi ils ne clarifie pas, mais qui est-ce qui leur a dit d'aller écouter cela? Qui est-ce qui leur a dit d'aller écouter et d'aller tendre l'oreille? Alors que nos pieux prédécesseurs bouchaient leurs oreilles pour pas entendre des choses qui pourraient entacher leur cœur et leur bonne croyance. Qui est-ce qui vous a dit d'aller écouter ces gens? Est-ce que vous avez vu les ulama, les grands savants contemporains, répondre et réfuter tous ceux qui parlent sur YouTube? Premièrement, par exemple, les grands savants qui sont par exemple, en Arabie, est-ce qu'ils réfutent tous les gens en Arabie qui disent des bêtises et qui disent des choses contraires à l'islam et qui s'opposent à la sunna du messager d'Allah? Est-ce que vous observez qu'ils réfutent tout le monde et qu'ils répondent à tout le monde? Est-ce qu'ils auraient le temps de faire cela? Donc déjà, il faut du temps, ils n'ont pas le temps de faire cela, mais en plus, ils ne prennent pas connaissance de cela. Ils ne sont pas à l'affût de tout ce qui se dit. Le principal, c'est de propager la sunna. Après, ceux qui peuvent répondre à certaines choses, naram, ceux qui ont fait de cela leur spécialité, naram, mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, premièrement. Mais qui est-ce qui a dit aux frères, qui est-ce qui dit aux sœurs d'aller voyager sur YouTube, d'aller regarder ces vidéos? Ensuite, ils nous disent, mais subhanallah, un tel ou un tel dit telle et telle chose. Alors que c'est contraire aux enseignements qu'on a appris des savants. Mais pourquoi vous les écoutez alors? Pourquoi vous tendez l'oreille? Pourquoi vous préservez pas vos cœurs? Pourquoi vous préservez pas vos oreilles? Pourquoi vous préservez pas vos convictions? Pourquoi vous préservez pas, vous protégez pas votre religion? Pourquoi vous les écoutez alors que vous avez les grands savants? Pourquoi vous délaissez le mieux pour le moins bien? Pourquoi vous délaissez? Les grands savants sont connus. La science, ceux qui veulent vraiment l'apprendre, ils savent où aller l'apprendre pour la majorité. Les grands savants, walillahilhamd, jusqu'à ce qu'aujourd'hui cette science ait été facilitée et simplifiée, du fait que même maintenant les interventions et les allocutions de grands savants sont même traduites en français. Donc vous avez vu beaucoup de paroles, mais à l'heure actuelle, walillahilhamd, qu'Allah récompense ces étudiants ou ces gens qui participent à la propagation de la science. Beaucoup d'allocutions ou de paroles de nos savants sont traduites. Soit elles sont traduites de voix audible, soit elles sont traduites, elles sont sous-titrées. Donc vous n'avez pas besoin d'aller écouter ces youtubeurs, ceux qui ont fait de cela une fonction et ils se servent de la religion pour avoir des abonnés. Vous n'avez pas à revenir à cela. Préservez vos cœurs, préservez vos oreilles, revenez aux grands savants. C'est pour cela qu'on parle de ceux véritablement qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont appris cette science pour accéder et atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens des passions, ce qu'on appelle les gens des passions, ceux qui suivent leurs passions et ceux qui sont soumis à ces passions-là, il y en a eu en tout temps. En tout temps, il y a eu des gens des passions, déjà dans les premières générations. Dans les premières générations. Donc chaque génération a connu cela. Le prophète sallam nous a avertis de ce mal. Et le musulman, qu'est-ce qu'il incombe au musulman? Et à la musulmane, c'est de se préserver, de se protéger, de protéger sa descendance. C'est ça qui est important pour nous. Donc, protéger votre croyance, protéger vos mœurs, protéger vos convictions, protéger tout simplement votre religion. Déjà, premièrement, en ne pas tendant l'oreille et ne pas écouter ces choses fausses et ces choses qui ne sont pas les enseignements réels et véritables de l'islam. Et lorsque vous écoutez cela, de toute manière, beaucoup de ces allocutions ne mènent pas à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne mènent pas vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ça, c'est très important. En tout temps, il y a eu cela. Vous n'allez pas changer les choses comme cela. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas répondre et réfuter. Mais ça, c'est le travail de gens spécialisés dans cela. C'est le travail de gens qui sont spécialistes de ces questions. Ça, c'est le travail de gens qui vont se consacrer à cela. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais en ce qui nous concerne, est-ce que nous, on doit écouter cela? Ensuite, se plaindre. Et certains, en réalité, certains ont un goût à cela. Ils trouvent du plaisir à cela en réalité. En écoutant des gens qui propagent le faux, les gens des passions qui propagent leurs passions. Ensuite, ils ont un goût à cela et ensuite ils vont prétexter en disant non, j'écoute juste comme ça pour voir l'énormité, pour voir la bêtise. Pour voir la bêtise. Alors, en réalité, c'est faux ça. Les salafs nous ont pas appris cela, les pieux prédécesseurs nous ont pas appris à écouter le faux et ensuite dire j'écoute le faux pour voir, c'est juste pour voir l'énormité, pour voir la bêtise. Mais qui est-ce qui vous a enseigné cela? Préservez votre religion, c'est ça le but. Se rapprocher d'Allah, Jalla wa Ala, adorer Allah, Jalla wa Ala, c'est ça qui nous est demandé. C'est ça qui nous est demandé à nous. Mais n'allez pas tendre l'oreille. Bouchez vos oreilles lorsque vous entendez une chose qui est fausse. Préservez-vous, préservez vos cœurs. Regardez, lorsqu'on avait parlé de cette parole d'Ibn al-Jawzi, que le cœur est comme une citadelle, c'est comme une forteresse qu'il faut protéger. Pourquoi? Parce qu'elle est sans cesse attaquée. Sans cesse, les démons essayent de rentrer. Il faut protéger, il faut fermer les portes. Donc, préservez votre cœur. Lorsque vous écoutez des choses qui sont fausses, lorsque vous tendez l'oreille à l'égarement, sachez que c'est des flèches d'Iblis. Et lorsque ces flèches toutes touche vos cœurs, lorsque l'ambiguïté touche le cœur, il est très dur de s'en défaire. Sachez qu'il y a des gens qui ont été touchés par des ambiguïtés, ils n'ont jamais réussi à s'en défaire. Il est très dur de se défaire d'une ambiguïté. Parfois, une ambiguïté, elle peut vous hanter tout le long de votre vie. Il faut faire très attention. Il ne faut pas prêter l'oreille à l'ambiguïté. Alors que vous connaissez la sunna, nos sœurs, nos frères connaissent la sunna, walillahil hamd. Allah vous a guidé dans ce droit chemin, préservez vos oreilles, préservez vos cœurs. Écoutez les enseignements de nos grands savants. Walillahil hamd. Et on a vu même dans le passé, et on cesse de voir cela, que des frères ou bien des sœurs, que des gens qui n'étaient pas habilités, qui n'avaient pas les compétences pour répondre, alors ils se sont concentrés à écouter des dérives, ils ont voulu répondre et réfuter les dérives, eux-mêmes ensuite sont tombés dans des formes de dérives et sont tombés dans ces dérives-là. Eux-mêmes ensuite ont été hantés par des ambiguïtés du fait qu'ils ont voulu rentrer et pénétrer, s'infiltrer dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, un domaine dont ils n'ont pas les capacités, ils ne sont pas habilités à rentrer dans ce domaine. Donc ils ont voulu pénétrer ce domaine-là, s'infiltrer dans cela, soit par curiosité, c'est pour ça que beaucoup écoutent cela et disent c'est juste par curiosité. Mais la curiosité, parfois, est un vilain défaut. Il faut se détacher de cela. Alors, certains, ensuite, ont voulu réfuter. Ils ont pensé qu'ils étaient spécialistes, hein, qu'ils pouvaient réfuter ces dérives-là, qu'ils pouvaient réfuter ces faussetés-là. Et ensuite, eux-mêmes sont tombés dans cela. Ils ont joué avec le feu et se sont fait brûler. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se préserver, il faut se protéger. Il ne faut pas s'imposer des choses, car Allah, Jalla wa Ala, ne nous a pas imposer. Faites attention, Iblis, Shaitan, va essayer de vous faire tomber dans des choses qu'Allah Jalla wa'ala ne vous a pas imposées. Il va vous ouvrir des portes qu'Allah Jalla wa'ala ne vous a pas imposées. Et vous allez penser que ces portes, ce sont des portes du bien. Et peut-être parfois ce sont des portes du bien, mais le but, c'est vous faire tomber dans le mal. Donc soyez très vigilants et soyez très prudents. Et d'ailleurs, en plus, le temps est trop précieux pour perdre son temps dans des choses qui ne seront pas bénéfiques pour nous, Yom al-Qiyama. C'est pour cela que ce qui est d'abord important, c'est que nous-mêmes, on apprend à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette science, justement, nous mène vers la connaissance d'Allah et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous est demandé. Donc, il faut se préserver. On préserve nos oreilles. Ce qui est faux, notre science nous permet de distinguer entre le vrai et le faux. Ce qui est faux, nous l'écoutons pas. Et on ne se concentre pas sur ce qui est faux. Par contre, nous, on se concentre sur ce qui est vrai, ce qui nous est profitable. Donc, c'est pour ça que le temps, il est précieux. Il ne faut pas le perdre en écoutant. Et certains vont nous dire encore avec prétexte, non, c'est juste par curiosité pour voir vraiment l'énormité, pour voir les bêtises qui se disent. Non, on n'a pas de temps à perdre. Le temps, il est précieux. Regardez, un grand savant, les gens à son époque, un grand imam, il a dit que les gens se plaignaient, qu'ils ne s'asseyaient pas avec les gens, ils ne passaient pas trop de temps avec les gens. Un jour, alors qu'ils sortaient, les gens... Alors, lui on dit, Yachir, on veut te parler. Jilis Marana, assis-toi avec nous, on voulait te parler. Et lui dit, je n'ai pas le temps. Il dit, mais Shir, pourquoi ne t'assis-tu pas? Il a dit, arrête le soleil. Arrête donc le soleil. En lui faisant comprendre que le temps, il est précieux. Ces gens-là n'avaient pas le temps. C'est pour ça, pour nous, vraiment, ce qui est précieux, c'est d'apprendre ce savoir et de le mettre en pratique. Regardez, d'abord, Sofiane Thauri, pour revenir, par exemple, cet homme était un exemple de piété. Et un exemple dans la recherche de la science, sa mère l'a vraiment éduqué dans cela. C'est pour ça, rahimahullah, qu'Allah lui accorde la miséricorde à cette femme vraiment qui était pleine, pleine de mérite. Et regardez, il disait, un jour, Sofiane Thauri, il disait, « Ô Seigneur, je sais que je dois subvenir à mes besoins. Cependant, je constate que la science disparaît. » Regardez, déjà à son époque, dans les premiers siècles, il disait, je sais que je dois subvenir à mes besoins, ô Seigneur, mais je constate que la science disparaît. C'est pour ça qu'il a voulu se consacrer à l'apprentissage de la science. Pour ça, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il est rapporté qu'il a dit un jour, je décidai alors de me consacrer entièrement à la science en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de subvenir à mes besoins. Regardez, subhanallah, tellement ensuite il a pris connaissance qu'il fallait apprendre cette science-là. Et il est rapporté de lui qu'il dit un jour, je suis dans cette quête du savoir depuis 60 années. Depuis 60 années, il dit, 60 ans, à apprendre l'ilm, la science. Et il disait même que l'homme doit contraindre son enfant à chercher à apprendre le hadith, car il sera interrogé à ce sujet. Que nos enfants apprennent le hadith, apprennent les hadiths du prophète, et qu'ils apprennent cette science et qu'ils apprennent cette religion. Et regardez ce grand imam dans son périple hein, pour aller apprendre la science et la connaissance. Regardez, il va nous parler de son expérience. Regardez le résultat de cette expérience. Il nous dit une très belle parole pour ceux qui vont apprendre la science. Il dit, le début de la science est le silence. Ensuite vient l'écoute et la mémorisation, puis l'action, et enfin la propagation et l'enseignement. Donc vous avez vu, avant la propagation, il dit, il faut le début, ça sera le silence. La science, al-bidaya, le début, c'est le silence. Ensuite, l'écoute. On écoute al-alam. Et on mémorise la mémorisation, puis la mise en application de cette science. Il faut la mettre en application. Enfin, il dit la propagation et l'enseignement. Et regardez, il est vraiment, c'était un imam plus tard qui vraiment, il a marqué son temps du fait que les gens qui l'ont côtoyé, lorsqu'il parle de sa dévotion, c'était vraiment quelqu'un qui était craintif d'Allah. Et comme sa mère lui avait dit, cette science-là, il faut qu'elle te mène vers la crainte d'Allah. Et bien, c'était connu que c'était une personne vraiment qui était craintive d'Allah. Ibn Mahdi rapporte, il ne parvenait pas à entendre la récitation de Sofiane à cause de ses pleurs. Il disait tellement que lorsque Sofiane récitait le Coran, tellement est-ce qu'il pleurait, alors parfois il n'arrivait pas à entendre sa récitation. Et il dit qu'il se rappelait et mentionnait souvent la mort. Souvent, il se mentionnait et se rappelait la mort. C'est pour cela que certains qui ont vécu à son époque, ils disaient, souvent, il regardait, ses yeux étaient figés sur le Coran. Et un homme rapporte qu'une fois, après la prière du Aïcha, il était avec lui, il était avec Sofiane al-Thawri. Alors, Sofiane al-Thawri lui a demandé de lui apporter un récipient d'eau pour qu'il fasse ses ablutions. Alors, cet homme-là lui a rapporté ce récipient d'eau. Et lui, Sofiane, l'imam, l'a saisi de la main droite, tout en posant sa main gauche sur sa poitrine. Ensuite, cet homme-là s'est endormi. Cet homme-là, il s'est endormi. Lorsqu'il se réveilla, à l'aube, hein, au Fajr, alors que l'aube s'était levée, il regarda en direction de Sofiane. Et il le trouva dans la même position que la veille, quand il l'avait laissé, lorsqu'il lui a rapporté ce récipient d'eau. Il l'a trouvé dans la même position. Et alors l'homme lui dit, l'aube est apparue. Et Sofiane Thori lui a dit, je n'ai cessé de penser à l'au-delà depuis que tu m'as apporté ce récipient pour mes ablutions. Pourquoi? Parce que l'homme, il dit, lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé Sofiane Thori dans la même position avec le récipient dans la main droite. Avec le récipient dans la main droite. Il n'avait pas bougé. Alors l'homme, il se réveille. Stupéfait, il regarde, Sofiane al-Thawri le voit dans la même position, il lui dit, l'aube est apparue, et Sofiane lui répondit, je n'ai cessé, depuis que tu m'as donné ce récipient, depuis que je l'ai dans la main, je n'ai cessé de penser à l'au-delà. À l'au-delà. Subhanallah. C'est pour ça, les témoignages de ses compagnons, de les gens de son époque, sont vraiment exhortants. Regardez, il rapporte les gens de son époque, que Sofiane, ce grand imam, il a résidé une année à la Mecque, à Mecca. Et une année, pendant toute cette année-là, il ne laissait pas l'adoration. Il disait, il ne s'arrêtait pas. Et il s'arrêtait qu'entre Al-Asr ou Al-Maghrib. C'est-à-dire, il était constamment en l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il s'arrêtait qu'entre Al-Asr et Al-Maghrib. Et cela pour s'asseoir avec les gens du hadith. Ce qui est en soi une adoration aussi. Vous avez vu, ils s'arrêtaient pour s'asseoir dans les assises de hadith entre l'Asr et le Maghrib. Et Ibn Mahdi rapporte, il dit, j'observais Sofiane la nuit. Il se réveillait en pleine nuit et il apeurait, il criait, l'enfer, l'enfer. Le rappel de l'enfer me procure tant qu'il m'empêche de dormir et de pencher vers les passions. Vous avez vu, vraiment, et c'est pour ça qu'on rapporte que Sofiane se remémorait constamment l'au-delà. Et cela l'affectait. C'est pour ça que lui-même, il disait, les pleurs se divisent en 10 catégories. Une pour Allah et 9 pour autre qu'Allah. Si au cours d'une année, on parvient à pleurer, ne serait-ce qu'une seule fois pour Allah, il disait, c'est beaucoup. Subhanallah, tellement il méditait. Et tellement que les imams à l'époque, ils voulaient, ils s'efforçaient de pleurer pour Allah. Ils pleuraient leurs fautes. Comme dit le prophète, sallam, il nous exhortait de pleurer nos fautes. Si vous saviez ce que je sais, le prophète sallam disait, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Dans un autre hadith, le prophète dit, retiens ta langue, rejoins ta demeure et pleure tes péchés. Le fait, l'importance de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de penser à l'au-delà, de penser à sa place. C'est pour ça qu'ensuite, on va éviter de perdre son temps et d'ouvrir nos oreilles à des choses qui ne sont point profitables et d'aucun intérêt, d'aucune utilité pour notre au-delà. Et parmi les témoignages encore au sujet de Sofiane al-Thawri, Ibn Mahdi disait, nous étions avec Sofiane al-Thawri et on aurait dit qu'il comparaissait pour le jour des comptes. Ils étaient avec lui, en sa compagnie, ils disaient, et constamment on avait l'impression lorsqu'on était avec lui, c'est qu'il était en train de comparaître pour le jour des comptes. Personne, il disait, n'osait lui parler. Nous évoquions alors un hadith afin de le faire sortir de cet état de recueillement. Vous avez vu, il savait que c'était en mentionnant les hadiths qu'il allait sortir de cet état de recueillement. Sinon, les gens, eh ben, lorsqu'ils étaient en sa compagnie, ils voyaient que lui, c'était une personne, vraiment, c'était comme si il comparaissait pour le jour du jugement. Et il disait, il avait en permanence les yeux qui étaient rivés sur le Coran. Et jusqu'à un jour, alors que Sofiane Thaouri, une foule était autour de lui, et c'était à la Mecque, un jour il leur a dit, il fit cette réflexion, cette communauté s'est perdue depuis qu'elle a besoin de moi. Subhanallah. Regardez vraiment les réflexions qu'ils avaient à l'époque. Et aussi, parmi les choses vraiment qui sont très étonnantes à son époque, à l'époque de ce grand imam, lorsque vous revenez dans sa biographie, c'est que cet imam qui était c'était un modèle d'exemplarité, et bien à son époque, lui-même, il a été touché, il a été marqué par une femme. Par une femme, il était marqué par la dévotion et le culte et l'ascétisme hein, de cette femme. Et lui-même, il est relaté cela. Lui-même, il relate cela. Et cette femme, c'était une femme à son époque qui s'appelait la fille de Hassan al-Assadiyya. C'était la fille de Hassan al-Assadiyya. Et ça, c'est vraiment un rappel aussi pour nos sœurs. C'est vraiment un rappel pour nos sœurs. Ne perdez pas vos temps. Regardez, prenez l'exemple de ces femmes. C'est ces femmes-là qui doivent être l'exemple de nos sœurs. On a besoin de sœurs qui éduquent des générations prochaines, qui éduquent de grands imams, qui éduquent des enfants qui plus tard deviendront de grands imams, des spécialistes du hadith, des spécialistes de la sunna. C'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que prenez exemple de ces femmes, comme on va voir ici, là, par exemple, prenez exemple de ces femmes comme la fille de Hassan al-Assadiyya, qui est une femme vraiment, vraiment remarquable. Tellement elle était remarquable qu'elle a marqué Sofiane al-Thawri. Et c'est ça, nous, qu'on a besoin. Il faut arrêter. Beaucoup de femmes, à l'heure actuelle, de femmes musulmanes, ont été touchées par le fait de regarder dans la vie des autres. Alors, elles sont dans des magazines, elles regardent la vie de telle célébrité, telle star qui s'est mariée avec telle personne, avec des thèmes familiers, elle s'est mise en couple avec un tel. Quand est-ce qu'ensuite ils se sont séparés? Donc on voit maintenant, il y a plein de magazines, ils parlent de la vie d'un tel, telle célébrité s'est mise avec telle personne, elle s'est mariée avec telle personne, ou elle est en couple avec telle personne, ils se séparent. Maintenant, ils n'ont plus besoin de magazines puisque maintenant c'est propagé sur les sites, sur Internet. Donc on voit beaucoup de gens, elles perdent des heures avec cela. Et il les attire avec cela. Un tel s'est mis avec un tel a divorcé avec un tel s'est séparé d'un tel. Et ce n'est que perte de temps. Ce n'est que perte de temps. Le vrai temps, notre temps qui est précieux, il faut le mettre, il faut que nos sœurs lise ces histoires-là de ces femmes qui étaient pieuses. À savoir que nos sœurs, la femme qui sera pieuse dans cette vie d'ici-bas, et qu'Allah va lui accorder sa miséricorde, et qu'il la fera rentrer au paradis, celle qui s'est attachée à la sunna du prophète, qui s'est attachée à cette religion. Ensuite, qu'Allah, Jalla wa Ala, lui accordera sa miséricorde et la fera rentrer au paradis, elle aura tout gagné. Et sachez que la femme terrestre, la pieuse, et celle qui est terrestre, qui sera rentrée au paradis, sera plus belle que les houris du paradis. Les femmes terrestres, celles qui seront véritablement attachées à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah fera rentrer au paradis par sa miséricorde, elles seront encore plus belles que les houris du paradis, que ces femmes qu'on connaît, qui sont mentionnées dans le Coran, les houris du paradis. Ben, les femmes terrestres seront plus belles que ces femmes-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre exemple de ces femmes. Regardez, Sofiane Thaouli disait, un jour je suis rentré chez la fille de Hassan al-Assadi, cette fille, et il dit que cette fille était connue pour ses longues prières. Elle avait des traces sur son front qui étaient dues à la prostration. Et vraiment, elle était connue pour sa dévotion et pour son attachement et sa ferveur à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il est rentré et lui a dit, Oh Hassan, pourquoi tu ne te rends pas auprès de Abdallah ibn Shihab ibn Abdillah pour qu'il te donne des biens de la zakat, pour que tu améliores un peu ta situation dans laquelle je te vois? Parfois, il la voyait dans cette situation, elle était fervente dans l'adoration, tellement fervente dans l'adoration que parfois elle en délaissait. Elle délaissait les biens d'ici-bas. Et elle était connue pour son ascétisme. Et pourtant, lui avait un haut niveau d'ascétisme. Et bien, regardez, tellement lorsqu'il voyait cette femme, la fille de Hassan al-Assadiya, tellement dans ce degré d'ascétisme, alors il lui disait, mais pourquoi tu ne te rends pas chez Abdallah ibn Shihab ibn Abdillah? C'est lui qui était mandaté pour justement distribuer les biens de la zakat pour ceux qui en avaient besoin. Regardez ce qu'elle lui répondit. Elle demanda qu'on lui amène un voile avec lequel elle se couvrit le visage. Il est dit. Ensuite, elle dit, Ô Sofiane, j'avais dans mon cœur une grande estime pour toi. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a effacée de mon cœur. Ô Sofiane, tu m'enjoins de demander de ce bas monde à une personne qui ne le possède pas. Je jure par la puissance. Je jure par sa puissance et sa majesté. Regardez, c'est en relation avec le chapitre précédent qu'on a étudié, le fait de jurer par la puissance d'Allah et sa majesté. Regardez les gens qui connaissaient Allah, je le vois là. Donc ensuite, elle a juré par la puissance d'Allah et par sa majesté. Je jure par sa puissance et sa majesté que j'ai honte de le demander, que de demander cela à Allah. Elle dit, j'ai honte alors que Allah, Jalla Wala, lui possède cela. En quelque sorte, alors elle veut dire à Sofiane, comment je vais demander à celui qui ne possède pas ce bas monde? Alors que celui qui le possède, je ne lui ai pas demandé cela. Regardez son degré vraiment d'ascétisme. Et tellement il dit, vraiment, Sofiane est sorry, il a été touché par le degré d'ascétisme et le degré d'adoration et le degré de la religiosité de cette femme. Alors il dit, et ainsi, c'est pour ça, donc il est même mentionné que 3 jours, il dit, hein, que plus tard, il est revenu, que plus tard, il revint la voir, et il voyait que les marques de la faim, eh ben, c'est-à-dire que son visage était marqué par les marques de la faim. Donc, il a vu vraiment qu'elle était marquée par les marques de la faim et ça sur son visage. Alors un jour, il s'adresse à elle et lui dit, Ô fille de Hassan, il ne t'a pas été donné plus que ce qui a été octroyé à Moussa et Al-Khadr. Lorsqu'ils se rendirent, il dit, dans un village, ils demandèrent à ses habitants de les nourrir. Et regardez ce qu'elle lui a répondu. Il lui a dit, tu peux pas faire mieux qu'eux. Eux, il leur a pas été demandé plus que cela. Il voulait l'exhorter. Regardez ce qu'elle lui dit. Elle lui répondit, Ô Sofiane, proclame la louange d'Allah. Alors il lui dit, Naram. Il lui dit, as-tu été reconnaissant envers lui? Il lui dit, Naram. Elle lui dit alors, tu dois le remercier d'avoir été reconnaissant. Regardez, elle lui dit, si tu as été reconnaissant envers lui, tu dois le remercier d'avoir été reconnaissant. Puis ensuite, elle lui dit, tu dois le remercier le fait qu'il t'ait permis de le remercier d'avoir été reconnaissant. Et ainsi de suite, elle l'a exhorté sans fin. Jusqu'à ce que lui-même, il dit, par Allah, ma science est limitée et ma langue est altérée. Et ma langue est altérée. Et il dit, à chaque fois que je lui reconnaissais un bienfait, il devait être de mon devoir de remercier, de le remercier pour ce bienfait. Donc le fait qu'on sait qu'on est un bienfait, Allah nous a comblé d'un bienfait. On le remercie pour ce bienfait. Il faut le remercier. Il faut remercier Allah, faire ses louanges du fait qu'il nous ait guidés à le remercier et qu'il nous ait ouvert cette porte, de le remercier. Alors il dit, pour cela, il dit, je fis demi-tour pour m'en aller. Mais ensuite, elle lui dit, regardez, elle continue, elle lui dit, oh Sofiane, il suffit à l'homme pour être ignorant de s'énorgueillir de son œuvre. Écoutez bien ce que cette femme va lui dire. C'est vraiment des paroles ajib et ça va revenir sur d'autres sujets. Elle lui dit, oh Sofiane, il suffit à l'homme pour être ignorant de s'énorgueillir de son œuvre. Et il suffit à l'homme pour être savant de craindre Allah. Regardez ce qu'elle lui dit. Et il suffit à l'homme pour être savant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que les cœurs ne seront pas purifiés des mots sans que toutes les préoccupations ne soient uniquement orientées vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'imam ensuite dit, je me rendis compte alors que mon âme valait bien peu. Subhanallah. Et nous, on va se quitter sur cela, et c'était le sujet. C'est pour ça, regardez, le sujet est long lorsqu'on parle de la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez, comme on avait parlé de sa mère, à Sofiane Thaouri, qui l'orientait alors qu'il était jeune, vers la crainte d'Allah, que cette science devenait le mener vers la crainte d'Allah. Regardez ce que cette femme lui dit. Donc en réalité, regardez cette femme, qui était pieuse, hein, parmi les grandes ferventes dans l'adoration d'Allah, regardez, elle connaissait Allah, elle connaissait son Seigneur, puisqu'à la fin, elle dit à l'imam, il suffit à l'homme pour être savant de craindre Allah, tout simplement. Le véritable savant, c'est celui qui craint Allah. Si cette science ne l'a pas mené à craindre Allah, ce n'est pas un savant. Même s'il connaît la jurisprudence, même s'il maîtrise tous ces chapitres de l'héritage de Al-Hudud, même s'il maîtrise la jurisprudence de la prière, du jeûne, du pèlerinage, de la zakat et de tous les chapitres, que ce soit parmi la jurisprudence liée aux actes d'adoration au culte ou bien la jurisprudence liée au relationnel, comme le chapitre du mariage ou du divorce ou de la vente, même si la personne maîtrise tous ces chapitres-là, mais si cette science ne l'a pas mené à la crainte d'Allah, alors ce n'est pas un savant. Et celui qui maîtrise pas tout ça, mais il connaît Allah, et cette science, sa connaissance d'Allah, l'a mené vers la crainte révérentielle d'Allah, alors celui-ci, on peut dire qu'il est un savant. C'est un savant parce que cette science l'a mené vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, elle lui dit, il suffit à l'homme pour être savant de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va se quitter justement donc avec ce verset. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, véritablement, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Wallahu a'lam, on continuera inshallah si Allah nous le permet, par la permission d'Allah. Demain inshallah. Wallahu a'lam. وبالله التوفيق ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد كما نسأله جل وعلا مغفرة الذنوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك